À Madagascar, le problème n'était pas seulement d'obtenir l'indépendance. Il est clair que la volonté d'indépendance était indiscutable. Madagascar a connu des sociétés secrètes, des partis politiques et une très violente insurrection en 1947. Les Malgaches avaient le sentiment de constituer une nation avec une langue propre, langue dans laquelle Philibert Tyrane vient de s'exprimer, et aussi une identité fondée sur la conscience d'une histoire glorieuse. L'histoire, en fait, c'est l'autre problème de Madagascar, puisque cette histoire avant les Français, c'est l'histoire de la formation d'un royaume prestigieux depuis les hauts plateaux d'Antananarive, royaume dirigé par les souverains Mernes. Donc Madagascar a connu le même problème au fond que la Tunisie et le Maroc. Comme Bourguiba en Tunisie, mais contrairement aux nationalistes marocains, Tyrane concevait l'indépendance dans le cadre d'une république. En proclamant la république en 1958, il confirmait très clairement que la monarchie qui avait été abolie par le général Gallieni en 1896 ne serait pas restaurée dans la Grande Île. La Fédération du Mali, formée en 1959, avait été la réponse des fédéralistes, en particulier Léopold Sédar Senghor et Modibo Keïta, à ce qu'on appelait la balkanisation du continent africain. Mais elle a duré en fait 17 mois. Première raison de l'échec, le fait qu'un certain nombre de pays qui avaient été prévus pour s'associer à la fédération ont décidé, en particulier le Dahomey et la Haute-Volta, de se regrouper avec la Côte d'Ivoire au sein de ce qu'on va appeler l'entente Sahel-Bénin. Deuxième raison de l'échec, c'est que ramener à un face-à-face entre le Sénégal et la République soudanaise, la Fédération du Mali n'était pas très viable puisque beaucoup de choses séparaient les deux pays. La rivalité des personnes, les divergences idéologiques, l'accusation faite par les Sénégalais à Modibo Keïta de vouloir le pouvoir pour lui tout seul, et d'autre part ce que Léopold Sédar Senghor appelle la sénégalite, c'est-à-dire ce sentiment d'orgueil, de fierté, qui est d'ailleurs l'une des expressions du nationalisme qui caractérisait le Sénégal. Finalement, les deux pays vont se séparer et le 20 août, le Sénégal prend toute son autonomie. Le 20 août donc 1960, le Sénégal reprend sa liberté et quitte la Fédération du Mali. Le 5 septembre de la même année, au lendemain d'élections qui le portent au pouvoir, Léopold Sédar Senghor, le poète président, s'adresse à son peuple.